remercier l'Éternel de me donner une fois de plus l'occasion d'élever son nom. De dire comme il est bon, dire ma bénédiction. Lui dire qu'avec lui mes problèmes sont des solutions. Je lui dis là aussi, en plein travail de gamme. Je lui dis messieurs et dames, son amour, sa bonté, sa force remplissent mon âme. Sa grâce a fait mes pas et me rapproche de la croix. C'est une grâce d'être là, d'adorer, de louer devant toi. C'est le Seigneur qui m'aime et pour moi c'est idem. Ma foi en lui reste ferme. Juste une grâce d'être là, d'adorer, de louer devant toi. Chanter un cantique nouveau et lever son nom plus haut. Quand vient le soir que tu deviens moi, Seigneur, tu guéris mes pleurs. J'ai conjugué la gratitude avec mes habitudes, faire rimer la solitude avec la turpitude. Mais c'est ta lumière qui aujourd'hui m'éclaire quand je passe au travers de ces soirées d'hiver. Comment ne pas te remercier, rester assis, ne pas chanter. Merci Seigneur. C'est une grâce d'être là, d'adorer, de louer devant toi. C'est le Seigneur qui m'aime et pour moi c'est idem. Ma foi en lui reste ferme. Juste une grâce d'être là, d'adorer, de louer devant toi. Chanter un cantique nouveau et lever son nom plus haut. Tu es ma victoire, c'est grâce mon Dieu. Ok, si je vis aujourd'hui que je passe au travers d'une pluie de soucis, c'est que ton amour m'entoure, me chasse loin les vautours. Merci papa, pour tout ça au bail.